En passant par le Limousin, j'ai pris en stop un Toulousain. Vous faites quoi dans le Limousin? Je lui dis, je vais voir mon cousin. Je roulais dans ma décapotable, celle qui a les chromes flambants. Mon cousin, lui, c'est lamentable, avec comme bagnole une Trabant. Avec son accent détestable, il me dit, je viens de publier les bancs. Puis il rentra dans son étable, cuvait son vin comme un formant. Le cousin n'étant pas sortable, ne pouvant prendre la Trabant, je fis monter dans ma décapotable la belle promise et son caban. Le chemin devint détestable, raviné par les charabancs, et je ne jugeais pas souhaitable de poursuivre en m'embourbant. Bien que la panne était imputable à un cas de force majeure probant, il y eut quand même un trouble véritable, quelque chose en moi de perturbant. Coincé contre un talus instable, je dus sortir en l'enjambant. Comme ce n'était pas confortable, je l'ai frôlé en me courbant. Je devins soudain très excitable, sous l'effet de son parfum troublant. Et j'eus l'envie, plus respectable, de défaire son joli ruban. Une petite pensée charitable pour son vieux fiancé barbant. Sous ses lèvres, un oui délectable, et j'étais le roi du Liban. La suite n'est pas racontable, et je vous dirai, fermez le banc. Je sais bien que c'est regrettable de conclure en me dérobant. Mais la chose sera plus acceptable si je vous dis que j'ai plus de rime en banc, et presque plus aucune en table. Tout effet va ainsi retombant. Sauf pour le mari dans les tables, qui marchait encore titubant, et pour qui c'était inévitable. Fini l'histoire, en tombant. En passant par le Limousin, j'ai pris en stop un Toulousain. Vous faisiez quoi dans le Limousin? Je lui dis, je suis allé voir mon cousin.